Antoine de Saporta, la bonneterie de soie dans les Cévennes. Il est une manière textile à la fois tenace, élastique et ductile à un haut degré, qui se singularise en outre par sa remarquable aptitude à conserver la chaleur et l'électricité, et cette substance n'est autre que la soie. Toutes choses égales d'ailleurs, un brin de soie supportera sans se rompre un poids plus lourd qu'un fil semblable de lin ou de coton, soutiendra une charge aussi forte qu'une tige de même épaisseur en fer ou en laiton, ce qui peut sembler paradoxal, mais ne résulte pas moins d'expérience de physique fort exacte. La soie est très élastique, c'est-à-dire que, tendue, elle obéit à la traction pour reprendre sa longueur primitive dès que l'effort de tension aura pris fin. Toutefois, si cet effort n'a été ni modéré, ni de courte durée, le fil abandonné à lui-même conservera en partie l'allongement obtenu. En d'autres termes, la soie est ductile. Les opérations que dans l'industrie séricicole ont fait subir au fil de soie, comme le décreusage ou cuit à l'eau de savon, et la teinture affaiblissent sans doute ses précieuses qualités. La soie devient un peu moins solide, élastique, ductile, mais elle gagne en souplesse, acquiert un éclat, un brillant que font ressortir les nuances qui y sont incorporées artificiellement. Dès lors, la soie réunit un ensemble de qualités très remarquables qui expliquent la vogue dont elle a toujours joui et jouira longtemps encore, non seulement pour les étoffes tissées, mais pour les vêtements de dessous au tricot. Ceux-ci réunissent la solidité et la légèreté, la souplesse et la douceur. L'élasticité de la soie, en effet, ajuste sur la peau le tissu en le rendant collant. D'où l'expression proverbiale « aller comme un bas de soie ». Vu sa mauvaise conductibilité calorique, à partir d'une certaine épaisseur, le tricot de soie garantit à merveille du froid extérieur. Enfin, et c'est par cette considération que nous finissons, l'élégance trouve largement son compte à l'usage de la soie. Ce n'est pas d'hier que le luxe des bas a fait son apparition et, de longue date, le Languedoc, les basses Cévennes, ont conquis le premier rang dans l'industrie bonnetière. Aussi, croyons-nous devoir procéder à une introduction historique abrégée, propre à éclairer la partie principale de notre sujet. Chapitre 1. Depuis le règne de Louis XIII jusqu'à l'époque de la Restauration, lorsque l'usage du pantalon actuel se généralisa, les bas de soie ont continuellement accompagné la culotte courte en toilette un peu habillée. D'une part, il est vrai, en voyage, à l'armée, à la chasse, le port de la botte les rendait inutiles. D'autre part encore, du moins au siècle dernier, on les recouvrait de guêtres ou jambières pour garantir les mollets du froid, en hiver, lorsqu'on sortait. Rien, auparavant, le poète Malherbe, très coquet dans sa tenue, mais frileux jusqu'à l'excès, emportait, dit-on, jusqu'à 12 paires superposées, car à son époque, exhiber des bas de laine eût paru acte de cuistre ou pédant, ignare des usages de la bonne société. Quant aux femmes, il est probable qu'au XVIIe siècle, elles ne négligeaient pas le luxe de la chaussure. Conformément aux habitudes qui prévalent encore, aujourd'hui, les bas, de nuances vives ou foncées, accompagner les robes longues qui les laissaient à peine distinguer. Mais pour le XVIIIe siècle, période plus intéressante parce qu'elle est plus rapprochée de nous et qu'elle joue un grand rôle dans l'histoire de la bonneterie, nous pouvons fournir plus de détails. L'élégance générale surpassait infiniment celle qui règne de nos jours. Une femme des temps actuels, même convenablement soignée dans sa mise, trouverait certes bien fastidieux de s'assujettir chaque jour aux détails de toilettes spéciaux à ses aïeuls d'attendre presque quotidiennement la visite d'un coiffeur plus ou moins inexact, chargé d'appliquer, selon les règles, poudre blanc, rouge et mouche. Au moins, pour les jeunes femmes, les robes habillées se portaient courtes, d'où nécessité imposée par la coquetterie de montrer des bas très jolis, de soie blanche et souvent avec coins brodés d'or ou d'argent. Même dans la simple bourgeoisie de province, l'emploi des bas de soie, comme le témoignent les inventaires de trousseaux, égalait ou surpassait l'usage des bas de coton, qui pourtant n'était pas inconnu. Les jeunes personnes qui liront ces pages se demanderont comment la bourse de leur devancière s'accommodait d'un luxe aussi ruineux, surtout étant donné la mode de la couleur blanche, la plus salissante de toutes. Nous répondrons que, sous Louis XV, filles et dames sortaient fort peu à pied. Promenades, excursions, en dehors des allées soigneusement sablées des parcs français, étaient, en pratique, presque inconnues d'elles. Bien différentes de nos contemporaines, toujours en mouvement, les femmes dont les têtes gracieuses se découpent au milieu des cadres à coquilles circulaient toujours en carrosse, ou encore mieux, en chaise à porteur, même pour franchir de courtes distances. Donc, leurs chaussures ne couraient aucun risque. Au besoin, les châtelaines peu fortunées, du moins dans certains villages reculés, au fond de provinces perdues, se juchaient en grande tenue sur un cheval, un mulet ou même un pacifique baudet pour se rendre à l'église voisine ou faire leur visite. Avant de clore cette courte parenthèse, remarquons que, plus tard, et malgré les changements d'habitude qui s'infiltrèrent à la suite des idées de Rousseau, les dames de la cour de Louis XVI savaient mieux danser que marcher. Relisons certains épisodes des abominables crimes de septembre. Certes, l'infortunée princesse de Lamballe, par exemple, aurait échappé au massacreur si elle avait joui de l'aisance d'allure des femmes de la haute société d'aujourd'hui. Ce n'est pas le cas d'expliquer ici ni comment se tricotent les mailles successives, ni comment se pratiquent augmentation et diminution, ni de discuter l'époque de l'apparition de la soie tricotée. Les premiers métiers à bas, qui permettent de substituer le travail de la machine à celui des doigts de l'ouvrier, date du XVIIe siècle et fonctionne en Angleterre. Une légende veut que l'inventeur soit un Français, un bas normand, qui, découragé par l'opposition acharnée des syndics bonnetiers, meurt ruiné après avoir vendu son invention à vil prix. L'acquéreur, un Anglais, porte la découverte dans son pays, où il est bien accueilli et largement récompensé par ses compatriotes. Plus tard, un autre Français, un Nîmois, celui-là, frappe des avantages de la machine qu'il voit fonctionner chez les Anglais et ne pouvant, à cause de la sévérité des lois britanniques, ni transporter un métier en France, ni même emporter un dessin de l'appareil, tentative qui était punie de mort, se contente d'en étudier le mécanisme avec tant de soin que, de retour à Paris, il arrive à reconstituer de mémoire et exécute une machine pareille. Quand on apprend que le métier à bas, autrefois comme aujourd'hui, comptait de 2 à 3 000 pièces, on demeure confondu devant l'ingéniosité des deux ouvriers dont nous venons de parler, et on se trouve fort embarrassé pour décerner la palme du mérite, soit à l'infortuné normand, soit à l'heureux languedocien. Par lettre patente, de 1664, 1666, 1683, le roi Louis XIV accorde à divers concessionnaires le privilège de fabriquer, tant à Paris qu'en diverses villes du royaume, expressément désignés non seulement des bas au métier, mais des canons, caleçons et camisoles, sans jamais ouvrir d'autres textiles que la soie. Les règlements et statuts date de 1672. Quelques années plus tard, un arrêt du Conseil de 1684 autorise les maîtres faiseurs de bas a employé aussi la laine ou le fil fin comme matière première, mais à la condition que le patron occupe en ouvrage de soie la moitié au moins des métiers qu'il possède et emploie. La sanction de ces défenses est sévère. Tout fabricant convaincu d'avoir employé du fil grossier ou trop abandonné le travail de la soie voit ses métiers confisqués et paye 500 livres d'amende. Malgré ces pénalités, la tolérance à laquelle nous venons de faire allusion provoque des abus et amène la création de marchandises de qualité inférieure. Après une minutieuse enquête, intervient en 1700 un nouveau règlement qui remet en vigueur la législation de 1672. Nul ne peut exercer la profession sans avoir été reçu maître après un apprentissage de 3 ans au moins. En 1723, le droit de maîtrise est de 150 livres et le brevet d'apprentissage de 30 livres. De plus, il faut confectionner un chef-d'œuvre consistant en une paire de bas façonnés au coin. Une fois admis, le maître fabricant de bas doit se fixer dans certaines villes, nommément désignées, parmi lesquelles figurent 3 cités languedociennes, Toulouse, Uzès et Nîmes, sans même pouvoir s'installer dans la banlieue de ces agglomérations. Certaines particularités de ce minutieux règlement sont intéressantes à rappeler. Ainsi, l'article 6, veillant à la propreté de la marchandise, défend à tout ouvrier ou ouvrière dévideuse, doubleuse ou autre, d'employer ou faire employer de l'huile dans le travail des 10 ouvrages de soie, sous peine d'être exclu d'édit. Contrairement à ce qui se pratique de nos jours, le bas de soie, lorsqu'il doit être teint en noir, ne doit recevoir sa nuance qu'après complet achèvement au métier, sauf exception pour les ouvrages mêlés et pour ceux dans lesquels il entrera des fils d'or et d'argent. Chaque douzaine est marquée avec un plomb portant l'empreinte des noms de la ville et du maître, avec une fleur de lys pour distinguer les particuliers ayant obtenu le privilège. Les temps devenant de plus en plus sombres et le besoin d'argent se faisant sentir, Pontchartrain, pour battre monnaie, crée force charge de contrôleur qu'il vend ensuite à beaux deniers comptant. Le prix de contrôle d'une paire de bas de soie est coté 10 sols. Par compensation, l'introduction de ces articles n'est tolérée que par les ports de Nantes, Rouen, La Rochelle, Bordeaux ou, si la marchandise suit les voies de terre, par le bureau de Lyon. Les bas de fleuret ou soie inférieure doivent être plombés dans cette ville après avoir reçu une pareille estampille, soit à Marseille, soit au pont de Beauvoisin, sur la frontière de la Savoie. Chaque prohibition se sanctionnait par une peine identique, confiscation pure et simple. De plus en plus précis et rigoureux, les règlements se succèdent à peu d'intervalle. Celui de 1719 nous renseigne sur les modes en nous apprenant que les bas de femmes doivent peser au moins 2 ans et demi, soit près de 80 grammes ou enfin de 1 kg à la douzaine. On voit sur le champ qu'il s'agissait d'obtenir des articles solides parce qu'ils étaient destinés à l'usage courant. Pour hommes, le poids requis s'élevait à 4 onces ou 120 grammes. De même qu'on avait interdit, sous les peines les plus sévères, d'emporter d'Angleterre des métiers à bas, de même dans les premières années du XVIIIe siècle, il était défendu de faire passer ses instruments de Languedoc en Provence, et ce, malgré la complicité des autorités transrodaniennes qui souhaitaient vivement voir s'établir cette industrie dans leur pays. À quoi les intendants du Languedoc répondaient que les métiers, loin de s'arrêter à Marseille pour fonctionner dans cette ville, s'embarquaient clandestinement pour l'étranger, malgré les 1000 livres d'amende qu'entraînaient les fraudes de ce genre. Si l'amende était exorbitante, il faut convenir qu'à côté de la peine capitale, elle constituait un immense adoucissement et un acheminement vers la liberté relative de la circulation des métiers dans tout le royaume et à l'étranger, qui fut enfin permise en 1739 au prix de certaines formalités supprimées elles-mêmes en 1758. En somme, pendant les règles de Louis XV et de Louis XVI, le travail de la bonneterie de soie au métier se concentre à Paris d'abord, puis dans les Cévennes et le Bas-Languedoc. Les bas de la fabrique de Paris sont très solides, obtenus qu'ils sont à l'aide de machines assez perfectionnées et se consomment dans la capitale. Ils coûtent de 11 à 15 livres la paire, ceux de Nîmes et de la région, résultant d'un outillage primitif, sont exclus du commerce de Paris. En France, ils ne chaussent que les méridionaux, mais ils s'exportent en Allemagne, Angleterre, Italie, Russie et s'expédient dans l'Amérique espagnole. Les créoles de l'Amérique et surtout leurs femmes, personnes moins remarquables par leur activité que par leur élégance, exigent des articles bon marché aux dépens de la solidité du travail. Mais aussi, pendant que les nombreux ouvriers de la ville de Nîmes, malgré leurs règlements, malgré les mesures sévères qui les rappellent à l'ordre, tendent sans cesse à produire beaucoup de camelotes, suivant l'expression de nos jours, les artisans perdus dans les Cévennes, comme les faiseurs de bas de Ganges, commencent à fabriquer l'article fin, remarquable par l'éclat de la soie et la délicatesse du travail qu'ils fournissent encore aujourd'hui. Comme pratiquement la profession est héréditaire, le métier à bas est un meuble de famille, précieux, presque inusable, qu'on se transmet de génération en génération. Depuis l'inventeur, son mécanisme, effroyablement compliqué, est resté le même. Dans une lettre de l'intendant du Languedoc à Parent, premier commis des finances, 1761, l'on compte qu'il faut de 4 à 5 mois à un serrurier habile pour en faire un, et encore a-t-il besoin du secours de deux compagnons pour forger les grosses pièces, d'un platineur, d'un faiseur d'aiguilles et d'un fondeur pour faire les pièces de cuivre qui assujettissent celles de fer, d'un monteur pour appareiller et assembler les pièces et enfin d'un menuisier pour la cage, d'où il faut conclure que le plus habile serrurier, quand même il serait servi à propos de ses aides, ne saurait faire trois métiers dans un an. Les serruriers de Nîmes fabriquent exclusivement les machines, non seulement pour leur ville, mais pour toute la région. Et si les ouvriers de Paris ou de Lyon savent monter un métier à bas, c'est qu'ils l'ont appris de leurs collègues de Nîmes. On compte à Nîmes 15 monteurs qui bornent leur office à arranger les pièces et les monter après que le serrurier les a rendues parfaites. Le montage et la mise en œuvre exigent de 10 à 12 journées et se payent de 42 à 51 livres suivant la jauge, soit à peu près 4 à 5 livres par jour. Des discussions virulentes s'élevaient entre les serruriers et les monteurs, ces derniers soutenus par les fabricants de bas. Ceux-là avaient en effet la prétention de jouir du privilège de la fabrication exclusive des pièces du métier à bas. Les autres auraient souhaité que les monteurs pussent au besoin forger les pièces qu'ils ajustaient. Ces difficultés aboutissent le 8 août 1764 à une véritable émeute. De tout temps, on a eu la tête chaude à Nîmes. 60 serruriers, armés de leurs outils, saccagent l'atelier du sieur Sujol, maître monteur, et veulent massacrer un pauvre apprenti qu'ils trouvent au travail chez lui. Les termes du rapport ne disent pas explicitement s'il y eut meurtre ou simplement tentative, mais mentionnent que 6 des trop irascibles serruriers prirent la route du bagne de Toulon. 2 ans plus tard, après enquête, on autorisait définitivement les monteurs à forger eux-mêmes toutes les pièces entrant dans la composition du métier à bas. Mais ils ne pouvaient ni empiéter sur la profession du serrurier, ni exercer celle de fabricant de bas, à moins qu'ils n'eussent été reçus maîtres dans l'une ou l'autre branche. à la même époque, les fabricants trouvent aussi des sujets de réclamation. Ils adressent une requête à l'intendant, se plaignant de ce que des maîtres louent des métiers à des ouvriers travaillant pour leur propre compte sous la qualification mensongère de maître et de ce que d'autres maîtres, authentiques ceux-là, prennent des associés étrangers à la corporation. Mais l'autorité, s'inspirant des idées nouvelles favorables à la liberté du travail, n'écoute pas leur requête, la jugeant inspirée par la jalousie et l'obstruction. Nîmes comptait à cette époque un millier de métiers consacrés uniquement à l'obtention de bas de pure soie et produisait environ 800 paires par jour. 1000 personnes à peu près subsistaient de cette industrie. Nous négligeons ce qui se rapporte au bas de fleuret ou de filoselle. Dans ce nombre personnel, il se glissait toujours quelques brebis galeuses. Ainsi, en 1747, grand émoi, un sieur d'Algues, de Nîmes, est accusé d'avoir fabriqué le haut de 4 paires de bas de filoselle verte avec du coton bleu. Par sentence du juge des manufactures, d'Algues est condamné à 400 livres d'amende. Les fameux bas verts, corps du délit, seront exposés publiquement, pendus à un poteau, avec écriteau explicatif. Ceci n'est que grotesque, mais on déchoit l'infortuné de son droit de maître et on le raye de la liste des fabricants de la ville. Sur la plainte du subdélégué de Nîmes et d'accord avec lui, l'intendant réduit la peine qu'il trouve ridiculement excessive à 100 livres d'amende, taux encore suffisant pour ôter au pauvre bonnetier l'envie de recommencer. On voit que toujours l'administration tend en principe à relâcher les entraves mises au commerce. Dans des cas moins extrêmes que celui de d'Algues, que devenaient les bas présentant quelques tares de nature à les faire exclure par les contrôleurs? Les mémoires du chevalier de Motor nous l'apprennent. Motor, jeune officier, quittant sa famille qui habite le nord de la France pour rejoindre son régiment à Perpignan, passe à Nîmes en octobre 1768. Après avoir remarqué que cette ville était célèbre par ses manufactures de soie, il ajoute « On est surpris de voir la mise des femmes du commun de ce pays. Presque toutes, même les servantes, y sont en bas de soie, avec un soulier bien dégagé. Elles portent un jupon très court qui laisse apercevoir le bas de la jambe qu'elles ont bien faite. » Nous avons cru devoir mentionner l'observation de Motor. S'il nous montre d'abord que les articles inférieurs étaient vendus aux femmes de la ville et utilisés par elles, il nous confirme aussi ce que M. Babot, dans ses curieuses recherches sur l'Ancien Régime, proclame bien haut, à savoir que les femmes, non de la noblesse ou de la bourgeoisie, mais du peuple, déployaient alors dans certains temps ou dans certaines provinces une élégance de toilette occasionnelle, si l'on veut, mais qui étonnerait nos contemporains habitués à la désespérante uniformité d'aujourd'hui. Comme le même auteur, nous pensons que les gracieuses paysannes ou bergères d'opéra comique ont été les images embellies, d'originaux rares sans doute, mais non introuvables. Désormais, nous allons, dans notre exposition, laisser de côté non seulement l'ensemble de la France et le Languedoc, mais même la ville de Nîmes, pour nous limiter à une bourgade du Languedoc qui, déjà au XVIIIe siècle, fabriquait de la bonneterie de soie, estimée et aujourd'hui même, à force de restrictions successives, borne son industrie encore intéressante et considérable à la production exclusive de l'article fin en pure soie. Ce phénomène de sélection très curieux, à une époque où les spécialités disparaissent, où le bon marché se recherche avant tout, s'est manifesté à Ganges, Hérault. Transportons-nous dans cette localité, chef-lieu de canton de l'arrondissement de Montpellier. Fin du chapitre 1.